Moelleux au chocolat, 6 à 8 personnes. 200 g de chocolat noir 55%, 125 g de beurre demi-sel, 4 œufs, 100 g de farine type 65, un sachet de levure chimique, 150 g de sucre. Faire fondre le chocolat au bain-marie avec le beurre. Bien mélanger le tout. Incorporer la farine tamisée plus levure. Faire blanchir les jaunes plus sucre. Ajouter à la préparation précédente. Monter les blancs en neige, les incorporer au mélange chocolat en coupant et soulevant. Verser dans un moule à manquer de 24 cm de diamètre. Cuisson 180 degrés, 20 à 25 minutes. Laissez refroidir avant de démouler le gâteau. Décorer selon votre humeur. Vin conseillé, Maury Rouge, à boire avec modération.